je suis un homme de parole. Tout ce que je fais, je m'y investis jusqu'au bout. Quand je me suis dit que je voulais devenir un creep, je suis devenu un creep. Quand j'ai dit que je voulais devenir le plus dangereux des gangsters ayant jamais vécu, c'est exactement ce que j'ai été. À coup de discipline et de travail, j'ai pu devenir le roi des creeps. Et c'est pas un exploit que j'ai honte de reconnaître. Mais j'ai pris une route différente aujourd'hui. Une route au service des autres, la route de la rédemption. Et j'ai bossé dur. Asina Assad. Quoi ? Ça veut dire que la colère n'apporte que perte et destruction. La sagesse et la prudence te montrent le chemin de la vérité. Sois simple et les prouesses de la providence récompenseront ton humilité. Écoute les bonnes paroles, même si les mauvais esprits veulent t'humilier. Ils veulent t'enfoncer dans la honte et faire ressortir ta méchanceté. Choisis les bons exemples, même s'il y en a des milliers. Choisis les biens et vois ce qu'ils peuvent t'apporter. Ne choisis pas le luxe, le confort, les apports matériels en guise de réconfort. Autant de tentations auxquelles tu faut résister. Les artifices qui te font persister dans la paresse. Gober les conneries des divertissements et la télé-réalité. Hypnotisé par le petit écran, avachi sur un gros canapé. Tu te sens bien, toi et ta femme, envahi par l'oisiveté. Plus de communication, les couples se font et se défont. Et laissent des enfants qui souffrent dans le manque d'affection. Les familles brisées par la tension du travail, l'alcool et les violences conjugales. Bien sûr, ils voient tous la vie comme dans un feuilleton. Ils rêvent, mais leurs rêves ne sont que des illusions. Aujourd'hui, frère, grâce à Dieu, j'ai compris que la vie sans lui est souffrance. N'a aucun sens, incompréhension, recherche d'amour et de confiance. Que les pièges du mal sont abondants, qu'inconsciemment trop faible on tombe dedans facilement. Derrière nos fautes, le mal veut notre destruction. La population surtout est trompée. La télé abrutit l'esprit et donne des faux avis. Vois comme la défonce agresse, comme le mal s'acharne sur notre jeunesse en détresse. Peu de bon exemple, pas d'espérance, trop de haine, d'échec et de stress. Mais où est passée la raison, plus d'amour, de croyance et de confiance. À l'heure où règne la médisance, la haine, la jalousie, la peur, la méfiance. Des sentiments faux ou en ciment, un manque d'amour et de repères constants. Mon texte une constatation et non un jugement. Je m'inspire de mon vécu, de mes fautes commises hier et aujourd'hui. Même si je sais qu'on prend toujours pour un fou, on méprise celui qui dit la vérité. Car pour beaucoup elle ne plaît pas, on est trop fiers pour l'accepter. Les humbles, les opprimés comprendront plus facilement ces versets. Lâche pas ta foi frérot, car d'où vient l'amour sinon de notre père qui nous surveille de là-haut. Ouvre les yeux et garde les pieds sur terre, car nul homme n'est un héros. Lâche la bouteille mon frère et jette ton sachet d'héros. Ne crois pas que le bonheur s'achète avec des millions d'euros. Lâche pas ta foi frérot, car d'où vient l'amour sinon de notre père qui nous surveille de là-haut. Ouvre les yeux et garde les pieds sur terre, car nul homme n'est un héros. Lâche la bouteille mon frère et jette ton sachet d'héros. Ne crois pas que le bonheur s'achète avec des millions d'euros. Aujourd'hui grâce à Dieu je vois clair, et si on fait tout à l'envers frère. Accepte le mal, crache sur le bien, à l'heure où la mort on partage. À l'heure où les putains de substances aiment un carnage. J'en ai marre qu'on se ment en chacun de nous, un manque d'amour et de sens, de compréhension. Des questions fondamentales sur notre existence, on a tous dans le fond. Mais y'a personne autour de nous pour nous donner une explication. Je te jure frère, depuis que j'ai la foi mes textes sortent du cœur. Des réponses viennent à moi, expliquent un sens à ma raison de vivre ici bas. Maintenant je m'aperçois, je me suis trop trompé. J'ai cru savoir mais j'étais un ignare. J'ai pensé qu'à ma gueule il y aurait ma mère. Fuyant la communication, Dieu et la prière. Pressé de descendre, rejoindre mes frères. Enfumé d'un nuage de BR. Bonheur éphémère, éloignant, effaçant les consciences. Comme à l'alcool, verre sur verre. À l'heure où l'influence règne, la délinquance saigne. Trop de bordel dans toutes les villes, trop de poteaux qui avec des brocs partent en vrille. L'ennui, l'envie de fric. Mais admettre même quand tu l'as au fond, rien ne change. Ce verset beaucoup trouveront étrange. Quel est ce fou qui pense que le fric n'arrange rien? Oh, il en faut pour vivre, je le sais bien. Mais gourmand comme dans toute chose, beaucoup se perdent pour lui frangin. Beaucoup se perdent pour lui frangin. Lâche pas ta foi mon frère, car Dieu te donne la force de surmonter tes faiblesses. Il t'aide à vider ton cœur quand il est rempli de tristesse. Les mécréants ont des pensées instables, elles basculent entre le bien et le mal. Mais sache que toutes les blessures sont curables, et Dieu pardonne tes erreurs si t'as une foi durable. T'as cru au bonheur artificiel, car t'avais besoin de consolation. Fais trop d'illusions pour du superficiel et des excès de consommation. T'as repoussé les limites du danger et négligé ton potentiel. Mais d'où provient cette haine à force de noyer tes peines dans un verre de whisky? Quand tu te caches derrière un feu split ou une canette de Henken. La vie est dure, il est difficile de faire les bons choix. Difficile de prendre la bonne voie, alors très vite on a perdu la foi.